Et bienvenue sur le top du Portugal, le TDP comme on dit ici, 95.4, www.rtflimoche.com. Bonjour à tous, merci d'être avec nous dimanche matin. Je suis pas toute seule du coup, on est deux ce matin, salut Eric. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, en forme. En forme, en forme pour nous passer de la musique. Ouais, comme tous les dimanches matins. Comme tous les dimanches matins. Ce matin dans le top du Portugal, plusieurs événements. Vous avez pu entendre juste avant le jingle pour l'événement le 7 février du côté de la rue Chidée avec l'artiste qu'on connaît bien ici dans les studios d'RTF, Cordéon. Et puis quelques événements aussi qu'on va pouvoir mettre en avant ce matin dans l'émission. On vous en parlera tout à l'heure. Ce matin, il se passe aussi quelque chose puisqu'on a un invité. Alors on a un invité au téléphone qui sera avec nous pour nous parler de son activité qui est très très très intéressante. Alors il va falloir qu'il nous explique un petit peu, mais vous en saurez plus tout à l'heure. Il s'appelle Michael. Michael, on l'aura à 11h30 et je vous expliquerai un peu plus dans l'émission qu'est-ce qu'il fait et voilà, on garde un petit peu la surprise, mais on l'aura aux alentours de 11h30 au téléphone pour nous parler de son activité. Voilà. Et on aura de la musique. Des nouveautés ce matin, Eric? Non, pas de nouveautés. Pas du tout. Non. Alors du coup, vous pourrez nous suivre également sur les réseaux sociaux parce qu'on y est et on y est toujours. Réseaux sociaux Snap, Insta, Facebook. Il existe d'autres réseaux sociaux où on pourrait aller? Oh, certainement. Certainement. Bon, il faut qu'on voit ça. Twitter. Oui, c'est ça. Donc du coup, vous pouvez nous suivre sur le TDP, le Snap TDP, donc le TDP RTF 95.4. Vous nous suivez sur le Snap, on met toujours, tous les dimanches matin, on met quelques petites stories pour voir un peu ce qu'on fait, les studios, le off. C'est intéressant. Là, on a mis, par exemple, le jingle de... pour l'événement du 7 février. L'Insta sera un petit peu en off ce matin parce que du coup, normalement, c'est Ricardo qui le tient et il n'est pas avec nous. Et du coup, le Facebook, on fera peut-être en direct ou pas, on verra. C'est le top du Portugal sur RTF 95.4 si vous voulez nous joindre sur le Facebook. Et au téléphone, vous pouvez nous appeler. Toujours au 05 55 50 09 09. Ça n'a pas changé. Pour toute dédicace, toute information, tout événement, tout. Ou juste pour parler à Eric, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Il prendra un moment pour vous dire bonjour, si ça peut vous faire plaisir. Mais en tout cas, appelez-nous, les dédicaces, Eric les passera sans souci. S'il y a une musique que vous appréciez en particulier, n'hésitez pas. Voilà, donc pour rappel ce matin, plusieurs événements. Et Michael Alves Rodriguez avec nous à 11h30. On va repartir en musique, on va revenir tout à l'heure pour la partie événement. On part avec quoi, Eric? Maria Lisboa. Eh bien, c'est parti. Música nacional, toca final de nacional. É bom. Onde andará não soube aproveitar aquilo que Deus me deu. Se o nosso caso por acaso não deu certo, a culpada fui eu. Mas se eu fizesse o tempo voltar, eu nunca mais queria deixar. E mudava o rumo da história que nos aconteceu. Onde andará o homem que tanto amei, que nunca esquecerei? Onde andará? Onde andará o homem que tanto amava, que nunca me deixava? Onde andará? Onde andará? Minha vida, que nunca será esquecido. Onde andará? Eu sei que ele foi o meu primeiro amor, só hoje eu dou valor. Onde andará? Onde andará o homem que tanto amei, que nunca esquecerei? Onde andará? Onde andará o homem que tanto amava, que nunca me deixava? Onde andará? Onde andará o homem da minha vida, que nunca será esquecido? Onde andará? Eu sei que ele foi o meu primeiro amor, só hoje eu dou valor. Numa praia eu encontrei uma sereia mesmo ali à beira-mar. Eu tinha fome e junto a ela perguntei se ali à beira havia algo para manjar. Logo diz ela, eu bem posso resolver o seu problema e fome não vai passar. Aqui não falta comida para se comer, é só escolher comer e saborear. Mas que comida e que bondade de mulher, foi um regalo lá no meio dos areais. Eu comi tudo sem garfo, faca ou colher. Ela sentiu que eu tinha fome e me deu mais. Ali ficamos a atear mais o carvão. Este grelhado à noite me sabe bem. Ela oferecia e eu não dizia que não, pois eu comia e ela comia também. Agradeci por tudo que ela me deu, eu tive sorte e nisso fui um campeão. E à saída ela assim me respondeu, se quiser mais pode voltar amanhã. Mas que comida e que bondade de mulher, foi um regalo lá no meio dos areais. Eu comi tudo sem garfo, faca ou colher. Ela sentiu que eu tinha fome e me deu mais. Bem à noitinha numa praia eu encontrei uma sereia mesmo ali à beira-mar. Eu tinha fome e junto a ela perguntei se ali à beira havia algo para manjar. Logo diz ela, eu bem posso resolver o seu problema e fome não vai passar. Aqui não falta comida para se comer, é só escolher comer e saborear. Mas que comida e que bondade de mulher, foi um regalo lá no meio dos areais. Eu comi tudo sem garfo, faca ou colher. Ela sentiu que a tua fome me deu mais. Mas que comida e que bondade de mulher, foi um regalo lá no meio dos areais. Eu comi tudo sem garfo, faca ou colher. Ela sentiu que eu tinha fome e me deu mais. Mas que comida e que bondade de mulher, foi um regalo lá no meio dos areais. Eu comi tudo sem garfo, faca ou colher. Ela sentiu que eu tinha fome e me deu mais. meu, é meu. O que é meu, é meu. Nas coisas da paixão eu cá não sou de brincadeiras. Vejo quem eu gosto, seja de qualquer maneira. E o que é meu, é meu. O que é meu, é meu. O que é meu, é meu. O que é meu, é meu. E não divido com ninguém. Mulher não é para dividir. E toda a vida gritarei. O que é meu, é meu, ai, é só para mim. E não divido com ninguém. Mulher não é para dividir. E toda a vida gritarei. O que é meu, ai, é só para mim. Pensei numa vida a dois, mas quando lhe falei vou cantar para sempre, nada foi em frente e também se foi. Só a velha guitarra ficou comigo, só a velha guitarra não me deixou. Nunca me abandonou este amor antigo, coração amigo, verdadeiro amor. Só a velha guitarra ficou para sempre. Só a velha guitarra não perguntou nada do meu passado e do meu presente. E só ela entende aquilo que sou. Amores perdidos por mim passaram, tantos sonhos desfeitos, desilusões, tantas paixões vividas que se apagaram e que só ficaram nas minhas canções. Ai, se as mulheres fossem como esta guitarra, já não havia mágoa na minha voz. Hoje eu não precisava estar à procura

música de pá, pá, pá, pá. Esse som já tá pra ter bué. O Cuduro passou a cumole. Oh, oh, cumole. Oh, oh. Aqui o Zezinho foi à festa da aldeia. O conjunto era bom, tocava música à maneira. A malta a dançar, os novos ritmos de verão. O sucesso é o Cuduro, que grande animação. As miúdas bem giras no ritmo das emoções. Rebolavam-se todas com as novas canções. Aqui o Zezinho animou o arraial com uma nova dança simplesmente brutal. A malta toda delirou sem controle. Festa da aldeia, o conjunto era bom, tocava música à maneira. A malta a dançar, os novos ritmos de verão. O sucesso é o Cuduro, que grande animação. As miúdas bem giras no ritmo das emoções. Rebolavam-se todas com as novas canções. Aqui o Zezinho animou o arraial com uma nova dança simplesmente brutal. A malta toda delirou sem controle. Agora todos dançam. A dança do Cumol, a dança do Zé, vai até regar o sol. Esquece o Cuduro, eu gosto é de Cumol. A dança do Zé, vai até regar o sol. Esquece o Cuduro, eu gosto é de Cumol. Com os bracinhos lá em cima com o Zé, mete o Cumole. E também quero ver todos lá em baixo com o Zé, mete o Cumole. Dança do Cumole, a dança do Zé, vai até regar o sol. Esquece o Cuduro, eu gosto é de Cumole. A dança do Zé, vai até regar o sol. Esquece o Cuduro, eu gosto é de Cumole. Esta festa tá bonita, quem está nem a que me dirá se quer ver o que é bom DJ. Põe o som de pom pom. O Pipo está louco, os olhos em ti, a mexer esse corpo, menina, eu nunca vi. És dona da festa, és dona da minha festa, assim não acaba a festa, assim não tem fim. Thank you. noite. Entrei naquele bar indiferente, mas guardei-te no peito para sempre. Tu eras a estrela a dançar. Foi nessa noite que eu vi no teu olhar aquele brilho. Senti que eras tu o meu caminho, rainha de uma noite ao luar. És o meu fogo, és a minha sedução. Só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor, de amor. És o meu fogo, és a minha sedução. Só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor, de amor. Nacional, porque afinal é nacional. É bom. Et de retour pour, dans le TDP pour le point événement ce matin. Il y en a quelques-uns à venir, donc c'est bien d'en parler. Juste avant, un petit rappel sur les réseaux sociaux. Et où vous pouvez nous écouter et où vous pouvez nous appeler. Donc vous pouvez nous écouter sur le 95.4 ou sur le www.rtflimoges.com et sur le site internet, c'est international. Vous pouvez nous écouter de partout dans le monde. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, pour le Facebook, RTF, le top du Portugal sur RTF 95.4, sur Instagram, le top du Portugal et sur Snap, le TDP RTF 95.4. Voilà, et vous pouvez nous passer des messages via ces réseaux sociaux. On est connecté dessus sans souci. Si vous pouvez aussi nous appeler, ça c'est Eric. C'est moi ? Ouais, ça c'est ta partie. C'était à mon tour ? Oui. D'accord. Alors oui, vous pouvez nous appeler au 05 55 50 09 09. On a déjà eu un appel ce matin pour nous faire un petit coucou. Donc, on n'est pas obligé. Alors voilà, ça c'est important de dire, on n'est pas obligé de passer à l'antenne pour nous appeler. Non, c'est pas une obligation. Hein. Non, on c'est... peut très bien voilà, dire on veut telle musique et puis pas passer l'antenne. Si c'est ça qui vous fait peur, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, au niveau des événements qui arrivent, le plus proche, c'est le 7 février. C'est du côté, on l'a dit, de la rue Chidée. pour le concert live de Cordéon. Cordéon, c'est un artiste plutôt fado, voilà, qui nous interprétera ses titres à la Ruchide, c'est une petite salle à Limoges. Voilà. Et il y aura en première partie Louane, une jeune artiste qui débute dans le métier, enfin, en tout cas dans le chant. Voilà, venez écouter. L'entrée est gratuite. C'est à partir de 20h, mais le problème, c'est qu'il faut réserver parce que ça commence déjà à se remplir, donc c'est important de pouvoir réserver. Et pour réserver, le plus simple, c'est d'aller voir sur Facebook, La Ruchide, Cordéon. Enfin, vous avez toutes les informations, on les partage aussi. Vous aurez aussi. Enfin, vous pourrez aussi trouver le moyen de les contacter pour les réserver, mais vous pouvez aussi passer par nous, par tous les moyens qu'on vous a donnés là pour pouvoir réserver. Nous, on fera aussi passer l'info sans problème. Ensuite, le lendemain, on part du côté du Lambada, le 8 février 2020 à partir de 19h30, et il y a un concours de belote. Voilà, et je vais vous donner les lots à gagner par équipe gagnante. Donc la première équipe remporte 2 jambons, la deuxième 2 bouteilles, la troisième 2 bouteilles aussi, la quatrième 2 bouteilles aussi, mais on vous dit pas des bouteilles de quoi. Ça c'est la surprise, mais c'est des bouteilles, c'est de bonnes bouteilles. C'est des bouteilles à boire. Ouais, c'est à boire, c'est mieux quand c'est à boire. Voilà, l'inscription est de 20€ par équipe, pas par personne mais par équipe. Et pour s'inscrire, il faut aller du côté du Lambada. Et on part une semaine après, on va encore du côté du Lambada parce qu'ils sont très actifs en ce moment. On repart du côté du Lambada avec une soirée des amoureux. Dia dos namorados. C'est la soirée des amoureux. C'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et pour marquer le coup et marquer l'occasion, le Lambada fait une soirée avec repas avec Nuno Albatros. T'en as ? T'as une musique de lui ? Je vais regarder. Pour vous dire ce que c'est, mais je suis sûre qu'il y en a une que vous connaissez qui est assez connue. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est pareil. Les réservations sont jusqu'au 31 janvier, donc jusqu'à vendredi. Et je vais vous donner le numéro si vous voulez appeler, 05 55 34 47 34. Je vous répète, 05 55 34 44 40. Je recommence. 05 55 34 47 34. Voilà, c'est au 5 place Sainte-Félicité à Limoges, mais tout le monde connaît Lambada et tout le monde sait où c'est, donc n'hésitez pas à y aller. C'est un menu et c'est avec ce chanteur qui sera présent pour animer cette soirée. C'est un événement assez important parce que ce chanteur vient du Portugal pour animer. Voilà. Nuno Albatros, t'as trouvé ? Oui. Ah, eh ben on va tout de suite la passer et on revient juste après. Comme ça vous saurez à peu près ce que c'est. Restez bien à l'écoute sur le TDP Top du Portugal 95.4 ou www.rtflimoges.com. à tout de suite. Musique nationale, toute finale nationale. Et bon. Da bebida boa. Aqui nós somos todos iguais. E se a vida te fez algum mal, a sangria cura. Vem, vem mesmo assim como és. Vem um, vem cinco, vem dez. São todos bem-vindos. Aqui andamos nesta loucura. Nesta mistura de fruta, sumo e vinho. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, traz mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, traz mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. We'll be right back. está a gostar. Portanto, aqui vou ficar até nos pôr na rua. Ai, eu adoro este lugar, com amigos a desfrutar da bebida boa. Aqui nós somos todos iguais, e se a vida te fez algum mal, a sangria cura. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, traz mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, traz mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei garçom, traz mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Ei garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei garçom, traz mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Ei garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei garçom, traz mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Música nacional, porque afinal é nacional. É bom. Vous avez donc pu entendre cet artiste qui sera présent du côté du Lambada le 14 février pour un repas. Il reste quand même aussi sur cet endroit-là très peu de place, mais il en reste encore, donc n'hésitez pas à les réserver auprès de José. Donc si vous voulez aller à cette soirée de Saint-Valentin version portugaise du côté du Lambada. On repart rapidement sur l'événement de la rue Chidel le 7 février parce que c'est le plus proche. Je vous rappelle que c'est un artiste qui s'appelle Cordéon, qui fait du fado, qu'on connaît bien dans le studio, qui sera présent pour animer cette soirée fado du côté de la rue Chidel à 20h. L'entrée est gratuite. C'est un événement au chapeau, comme on dit, c'est-à-dire que pour soutenir l'artiste, pour soutenir un peu tout ce qu'il fait comme ça, tout ce qui se fait comme ça de gratuit, voilà, on donne une petite pièce de façon à soutenir. Il reste aussi également sur cet événement très peu de places, une vingtaine de places seulement, donc n'hésitez pas à réserver très rapidement. Pour vous donner une idée également, il y aura un reportage sur France 3 vendredi prochain pour parler de l'avenue de Cordéon et parler certainement aussi de Louane qui sera en première partie, cette jeune chanteuse prometteuse qui sera là aussi sur cet événement là. Deux, trois petites infos également. On change de registre, on passe du côté de l'association Lusitanos de Limoges. L'exclu qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette année encore, et pour la troisième édition du côté de Saint-Priest-Orion, je ne savais plus, il y aura le festival annuel, le festival de folklore annuel organisé par l'association Lusitanos de Limoges. On vous en dira plus au fil des dimanches sur qui sera présent et quel groupe et comment. Voilà, ça se fera un petit peu sur la longueur et je trouve que c'est sympa. Mais voilà, réservez votre 19 avril 2020 et venez du côté de Saint-Priest-Orion pour pouvoir soutenir aussi cette association et découvrir des groupes folkloriques venus de France et représentant tout type de région au Portugal, parce que la spécificité, et je ne sais pas encore si ça sera le cas cette année, c'est qu'il y a souvent un groupe qui n'est pas Dooming, désolé Eric, mais parce qu'il existe aussi d'autres folklores dans le Portugal et d'autres régions et qui se dansent autrement que du côté de Viana do Castelo. voilà, en parlant de l'association Lusitanos de Limoges, je voulais quand même remercier et on va enfin féliciter et on va le mettre l'association Lusitanos, je le mettrai sur leur Facebook, les élèves qui ont reçu leur examen de portugais cette année du coup. Il faut savoir que l'association organise des cours de portugais très officiel, puisque c'est organisé en partenariat avec l'ambassade, donc ces cours-là qui sont du CE1 à la 3e, et du coup certains, alors les plus grands souvent, ont passé leur examen de portugais, et je voulais les féliciter, et je vais les citer quand même parce que c'est important. Donc félicitations à Lola, à Léa, Gabriela, Raphaël, Lucas, Léo, Inès et Jade, qui ont reçu leur examen de portugais, et tout ça sera affiché sur les réseaux sociaux. Ils ont eu l'info hier, donc voilà, félicitations à eux. Voilà pour les petites infos du moment. Il y en aura d'autres sur le dimanche à venir. Et du coup, si vous en avez qu'on n'a pas parlé, ben, n'hésitez pas à nous appeler et à nous le dire. Nous, on est ouvert à tout événement qui arrive pour le diffuser sans problème. Appelez-nous au... Je te le dis parce que moi je le connais pas. Tu le connais pas, c'est ça? C'est pour ça que tu le dis pas? Oui, parce que j'ai oublié de me retourner pour regarder. Mais vu que c'est ton boulot, moi je l'ai pas appris. T'as pas besoin de te retourner, tu devrais le connaître par cœur. Oui, c'est vrai. Vous pouvez nous appeler au 0555 50 09 09. Et on est là. Eh bien, appelez-nous si vous avez des événements ou des dédicaces. On va s'en aller. Non, on va revenir en fait. On revient d'ici un petit quart d'heure pour l'interview tant attendue de Miguel Alves Rodriguez, qui va nous parler, et je vous le dis cette fois-ci, de boxe avec tout son palmarès. Ce sportif franco-portugais nous fera part de son histoire et nous expliquera sa discipline et où il est en arrivé et comment il est arrivé à ce stade-là. On repart en musique. On y va. Avec Johnny. Avec Johnny. Et on repart avec Johnny, restez bien à l'écoute. Et on se retrouve tout à l'heure sur le 95.4 ou sur le www.rtflimoges.com. À tout à l'heure. Musique nationale, porque final que nacional é bom. fazem cara feia. Tu tens o ritmo da selva nas veias. Ao teu lado elas sabem que não passam do resto. O balanceio das tuas ancas em nada é modesto. E quando esse booty faz um all around, todos ficam com os olhos em bico. Chinatown, salinhas all good, baby, tô nessa. Fala comigo porque brain is the new ass. Tu vais e vais para me confundir. Se me vis por aí, diz-me. Afinal, isto ficas ou não? Ficas ou não? Não vou perder o meu tempo em vão. Então diz-me só. Se vais à linha, vais à linha. Se vais à linha, vais à linha. Let me know how you feel about it. Se vais à linha, vais à linha. Se vais à linha, vais à linha. Yeah, let me know. Messing it up till the morning. Uber it up to the west side. Waking up next to your bedside. Pulling up on you, no warning. Messing it up till the morning. Uber it up to the west side. Waking up next to your bedside. Let me go again. E se acordares aqui no meu bedside, só quero o teu lado mau, o teu bedside. Bad girl. E se de costas é o teu best side, já sei que vais alinhar. E no bed vibe. Vês tu vestido preto, luto. Não morreu ninguém, mas tu matas tudo. Word on the street é que tu és tipo freak. Para comer é estendidos no chão, picnic. Tu vais e vais para me confundir. Se me vis por aí, diz-me. Afinal, disto ficas ou não? Ficas ou não? Ficas ou não? Não vou perder o meu tempo em vão. Então diz-me só. Se vais à linha. Oh yeah. Se vais à linha. Oh no. Se vais à linha. Hey. Vais à linha. Let me know how you feel about it. Se vais à linha. Se vais à linha. Vais à linha. Vais à linha. Se vais à linha. Vais à linha. Yeah. Messing it up till the morning. Uber it up to the west side. Waking up next to your bedside. Pulling up on you, no warning. Messing it up till the morning. Uber it up to the west side. Waking up next to your bedside. Faltam-me as palavras para dizer-te o que sinto. Faltam-me os poemas que descrevam o meu sentir. Por isso me calo, deixo falar os sentidos. Pois tudo o que eu disser ainda é pouco para ti. Por mais frases bonitas que eu invente, valem nada. O amor não se explica, simplesmente é mesmo assim. Se digo que te quero, ainda quero mais. Se digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro, são palavras banais. Comparado àquilo que eu sinto por ti. As palavras para dizer-te o que sinto. Faltam-me os sorrisos que mostrem como estou feliz. Por mais frases bonitas que eu invente, vale nada. O amor não se explica, simplesmente é mesmo assim. Se digo que te quero, ainda quero. Digo que te amo, não diz o que.

meu pai estava sempre a relinchar. Música nacional, porque afinal que nacional é bom. La Ruchidée à Limoges vous propose une soirée fado le vendredi 7 février. Venez découvrir l'artiste portugais Cordéon à la Ruchidée, rue de la Croix-Rouge à Limoges, ouverture des portes à partir de 20h. Este fado é dedicado aos filhos dos imigrantes. Soirée Fado avec Cordéon en concert à la Ruchidée, rue de la Croix-Rouge à Limoges. C'est le vendredi 7 février à partir de 20h. Réservation conseillée au 06 47 97 66 74. Retour dans le TDP, le top du Portugal pour ce dimanche matin. Je vous rappelle RTF 95.4, www.rtflimoges.com et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. On repart du coup, on reprend l'antenne pour notre invité du jour, notre interview du jour avec Michael Alves Rodriguez. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors Michael, on va reprendre un peu ton histoire à la base. Tu es franco-portugais. Oui. Tu nous viens de région parisienne, c'est ça? Du côté de quel coin? Du 77. Ah, j'y étais il n'y a pas longtemps dans le 77. Ah ouais? Oui, j'y étais du côté de Marne-la-Vallée. Bah, je suis pas très loin, ouais. Je suis pas très loin. Un peu après Pontocombo, juste à côté de Pontocombo. Ah, avec une grosse fête où tu dois aller du coup, du côté de Pontocombo. Exactement, ouais, ouais, y a une grosse communauté dans le coin, on est beaucoup. Exactement, mais alors toi tu œuvres pas du tout dans la musique. Non, du tout. T'es sportif à la base, et t'as commencé avec de la boxe anglaise plutôt. Tout à fait, ouais. Ouais, j'ai commencé la boxe anglaise à l'âge de 8 ans. Ouais. Jusqu'à à peu près 24 ans. Donc, Et aujourd'hui, t'as quel âge? 36. D'accord. Donc de 8 ans à 24 ans, de la boxe avec de la boxe anglaise avec un beau palmarès quand même. Ça va. Oui, ça va. On le répète, 5 fois champion de Seine-et-Marne, donc du 77 comme tu disais, 2 fois vice-champion d'Île-de-France, 1 fois champion d'Île-de-France, vainqueur du champion de France 97. C'est ça. Alors ça c'est dans la boxe anglaise éducative, et après il y a la boxe anglaise amateur. Alors déjà, est-ce que tu peux m'expliquer la différence? Bon, la différence c'est une question d'âge. Alors maintenant il y a une grosse différence quand même. La boxe éducative, on va privilégier la technique. S'il y a des blessures ou si, par exemple, un des deux boxeurs frappe trop fort et trop agressif, les arbitres vont le freiner. Donc, c'est un peu plus à la touche. C'était pas le cas à mon époque. À mon époque, j'ai jamais ressenti une grosse transition entre la boxe éducative et la boxe amateur. C'est une question d'âge, tout simplement. D'accord, voilà. C'est une catégorie d'âge, en fait. Voilà, tout simplement, ouais. Après, dès que je suis passé cadet deuxième année, donc dès que j'ai eu l'âge minimum requis, qui est cadet, donc entre 14 et 15 ans, bah, je suis tout de suite passé amateur. D'accord. Donc déjà un gros palmarès petit, en fait. C'est ça. Ensuite, de 99 à 2006, champion du challenge du premier round. Oui, c'est ça. C'est un tournoi qui est très connu en Île-de-France et d'accord. Dans la boxe anglaise, ouais. Champion de la Coupe de Seine-et-Marne, vainqueur du champion de Martinique. C'est ça. Donc au niveau de ton palmarès boxe anglaise, je le répète, 70 combats, 45 victoires, t'es quand même déjà quand même tu t'affirmais. Et après du coup t'as fait une pause. C'est ça. Un peu obligé. Oui, plus ou moins, oui. D'accord. À cause de la vie, on sait qu'il a fallu que je m'écarte un petit peu du sport de haut niveau. Et Tu peux nous raconter en deux mots et selon ce que tu souhaites, ce qui s'est un peu passé, pourquoi tu as arrêté? Ouais, j'ai subi une grave agression et donc où j'étais très très très marqué, j'ai dû subir 5 interventions par la suite suite à cette grosse agression où on m'a laissé, bon, faut le dire, pour mort quoi, quasiment. Et donc voilà, j'ai dû forcément, pour m'occuper de ma santé, dû faire une grosse parenthèse au niveau sportif. Et du coup, à ce moment-là, ta carrière était un peu compromise, du coup. Complètement même. Complètement compromise. Du coup, coup dur quand même de savoir que tu pourrais plus remonter sur le ring, comme on dit. C'est ça. Et puis même en sparring, quoi, je veux dire, même à l'entraînement, c'était fortement déconseillé. Ça l'est toujours au jour d'aujourd'hui. Tout ce qui pourrait m'apporter des chocs au niveau de la boîte crânienne, c'est fortement déconseillé. D'accord. Et du coup, tu as réussi à te relever quand même? Ouais. Par la passion, par... Par la passion, du coup, bon, moi, j'ai toujours aspiré à être entraîneur depuis toujours. J'ai toujours su que je finirais entraîneur. Et quand j'ai donc passé cette période, que bon, j'ai commencé à aller mieux, forcément, il fallait que je trouve un but pour mon futur. Et donc, je me suis dirigé vers l'entraînement, le coaching. Donc j'ai passé ma formation, le premier diplôme que j'ai passé, donc c'était pour être entraîneur de boxe anglaise. D'accord, ok. Et j'en ai passé bien d'autres par la suite après, mais je me suis vraiment lancé dans le métier de coaching, quoi. Et du coup, alors, j'avoue que j'y connais pas grand chose, mais de la boxe au kettlebell sport. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est déjà? Le kettlebell sport, c'est un sport de force endurance. C'est un peu similaire à l'haltérophilie. D'accord. Je dis bien un peu sur certains mouvements, mais bon, après, c'est pas le même sport, mais c'est un sport de force endurance. La kettlebell, c'est un outil déjà multifonction. Qui devient de plus en plus courant. On en voit de plus en plus dans les salles de fitness, de crossfit, dans les magasins de sport, même à la télé. C'est un outil qui commence à être connu. Très, très connu, oui, très commun. C'est une espèce de boule avec une poignée. D'accord. C'est une boule ronde avec une poignée et puis y a différents poids. Et donc voilà, c'est un super outil pour la préparation physique, pour développer la force et l'endurance, mais pas que, on peut faire énormément de choses avec. Et après, c'est un sport à part entière. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi ce sport? Tout simplement, le hasard de la vie, on va dire le bon hasard de la vie. Donc j'étais entraîneur, fraîchement diplômé, je m'intéressais un peu à toutes les différentes méthodes de préparation physique. Donc j'étais un peu toujours en recherche, je cherchais toujours un petit peu de la nouveauté pour apporter dans mes entraînements. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux préparations physiques issues des pays de l'Est. Donc j'ai commencé à avoir cet outil. Et ensuite, ça a été un ami qui m'a dit, écoute, je connais le numéro 1 français, on organise une formation en février. Donc tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion d'aller me former, mais à la base, toujours dans le but de pouvoir bien maîtriser l'outil pour pouvoir entraîner mes boxeurs. Et puis, en fait, le jour de la formation, j'ai connu mon entraîneur actuel qui m'a dit qu'il était en train de développer ce sport en France, qu'il était en train de créer la première équipe de France de l'histoire de ce sport, et qui recherchait vraiment des personnes dans mon profil. Il m'a dit, écoute, je me laisse 2 ans là pour vraiment monter une équipe compétitive au plus haut niveau, et je cherche vraiment des personnes dans ton profil. Et est-ce que tu souhaites faire partie de l'aventure? Et voilà, ça a commencé comme ça. Du coup, pour parce que ça, tout ça, ça a été après ton accident, du coup. Ouais, bien après. Hein. Ouais. On va dire pendant à peu près 2 ans. Ouais, 2 ans plein. J'ai dû faire une coupure vraiment, même du sport loisir. Enfin, vraiment, oui. Je pouvais pas. Voilà. Après, j'ai commencé à reprendre ma condition physique. J'ai tout repris de zéro. Et j'ai passé mes diplômes pendant 2 ans. Et donc, on va dire 5 ans après cette grave agression, j'ai commencé ce sport, on va dire. D'accord. Donc, du coup, un sport quand même moins violent, si je peux dire que oui, du coup... On n'est pas dans un sport de combat. Forcément. C'est ça. Donc, alors, du coup... Moins violent, oui, je dirais moins violent d'un côté, oui, mais... C'est différent pour le corps quand même. Hein. Oui, ben ouais, oui, effectivement. Pas la même violence, on va dire. Mais du coup, voilà, moins violent en tout cas pour ce qui t'était préconisé à la suite de son accident. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. Et depuis 4 ans, 5 ans, t'as quand même bien évolué au vu de ton palmarès. Ouais, maintenant ça fait... Alors maintenant, ça fait 7 ans hein, que j'ai commencé ce sport et 6 ans que je suis au niveau professionnel, élite, à l'international et national. Ouais. D'accord. Donc du coup, on rappelle aussi, c'est important de le dire, champion Open de France, médaille de bronze, champion Open de France, champion du... Alors, c'est compliqué quand on ne connaît pas trop, mais champion du monde Danemark. Ouais, j'ai été champion du monde au Danemark. En fait, c'est les lieux où ont lieu les compétitions qui est indiqué. Donc en 2016, effectivement. 16. Ouais, 2016, j'ai été médaillé d'or au championnat du monde au Danemark. Ouais, c'est un gros gros palmarès. Champion de France en 2017, champion d'Europe en Grèce, vice-champion international en Italie. Il y a 2 ans, champion de France et champion international en Irlande. Et l'année dernière, champion Open de France et vice-champion du monde en Pologne. Et après, il y a quoi? Parce qu'en 5 ans, quand même, il y a un gros palmarès. Bah, on continue. Moi, je dirais même que le plus intéressant arrive maintenant. Oui. La Fédération mondiale a effectué pas mal de changements. C'est-à-dire qu'ils ont créé des nouvelles catégories, notamment la catégorie super lourd, dans laquelle je suis en train d'évoluer et que je vais tenter de me qualifier pour les futurs mondiaux qui se déroulent en France fin mai. D'accord, en France cette fois-ci. Ouais. C'est vrai qu'il te manquait le titre champion du monde en France, quand même. Ouais, voilà, et puis là c'est une nouvelle catégorie, c'est 40 kilos, c'est sur 10 minutes. C'est assez extrême. Le sport évolue. Un nouveau challenge. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, franco-portugais, tu joues, tu œuvres en France, disons, et pour la France. Oui. D'accord. Avec le cœur pour le Portugal, quand même. Complètement, ouais. Exactement. Oui. Et du coup, on va te retrouver en mai pour ces championnats en France. Il y a d'autres compétitions à venir? Oui. Là tout est très timé. Là j'ai les championnats de France dans 3 semaines en Picardie où donc je vais tenter donc de me qualifier pour les championnats d'Europe et du monde au mois de mai. Alors je sais que c'est un peu complexe comme ça. Pour simplifier les choses, c'est le championnat d'Europe semi-marathon et marathon. C'est-à-dire que moi j'évolue par exemple en Pologne, j'évoluais sur une durée de 30 minutes. Avec une kettlebell de 32 kilos. Et donc c'est les championnats d'Europe catégorie semi-marathon, marathon. D'accord. Et c'est les championnats du monde. Comme en fait, ils ont créé une nouvelle catégorie, donc la fameuse catégorie super lourd. Et donc ça va être la première édition, ça va être la première fois qu'ils vont la mettre en place à l'international. Ils ont décidé pour la première, pour une question symbolique, d'en faire un championnat du monde et pas un championnat d'Europe. Parce que si on aurait fait un championnat d'Europe, ça aurait fermé la porte à pas mal de pays. Et donc, pas mal de pays qui, en kettlebell, sont très présents, comme l'Australie, les États-Unis, Canada et d'autres. D'accord. Donc, du coup, pour la symbolique, donc ça sera donc la compétition va se dérouler sur 4 jours. Donc, les 2 premiers jours, ça va être les championnats d'Europe, semi-marathon, marathon. Et ensuite, les 2 autres jours, ça sera les championnats du monde, World Games, donc la nouvelle catégorie. D'accord, c'est un sport quand même qui est en pleine évolution, faut le dire, et il faut en parler, c'est intéressant, parce que tout le monde ne connaît pas encore, même si ça évolue à grande vitesse. En tout cas, je te souhaite du courage, et je te souhaite de réussir dans cette nouvelle compétition. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir été avec nous ce matin. Merci, c'était un plaisir, merci à vous. Et n'hésite pas à nous dire du coup tes résultats du coup sur ces compétitions. Ce sera fait. Et nous, on le partagera et puis du coup on pourra le dire. Très bien. Je te remercie beaucoup, Michael, et je te souhaite bon courage. Au revoir. Merci. Bon dimanche. À toi aussi. On remercie du coup Mickaël d'avoir été présent avec nous. Il est déjà 11h54, donc du coup on va refaire un petit point sur les événements avant de se quitter, parce que ça va aller vite. L'émission passe vite tous les dimanches. Tous les dimanches, ça passe. 6 minutes. 6 minutes. T'as des choses à dire, Eric ? Non, on t'écoute. Non, vas-y. Oh. on repart sur les événements rapidement et on revient sur l'événement qu'on passe en continu là depuis ce matin et qu'on en a déjà parlé auparavant. C'est l'événement à la Ruchidée avec Cordéon. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure, donc je tenais quand même à la rectifier. C'est-à-dire que en fait, Louane n'a fait pas du tout la première partie de Cordéon, mais elle chante avec lui un titre, et c'était important de le dire, et ce titre-là, c'est son tout premier single qui a été écrit d'ailleurs par Cordéon. Donc voilà, n'hésitez pas à les retrouver, en plus vous aurez des exclus, donc c'est le moment d'y aller. Je vous rappelle qu'il reste juste une 20aine de places, donc c'est important de réserver rapidement. Et du coup, c'est le 7 février, à la Ruchidée, à 20h, voilà, en gros. À Limoges. N'hésitez pas à y aller, c'est important de soutenir ce genre d'événement et de manifestation qui se passe ici dans notre région, parce qu'il y en a peu et que c'est en y allant que les organisateurs peuvent développer ce genre de choses. Et du coup, on repart du côté du Lambada, le 8 février, concours de belote, 20€ par équipe inscrite. Il faut s'inscrire et il faut aller du côté du Lambada pour pouvoir trouver les informations. Toujours avec le Lambada, on part du côté du 14 février, la Saint-Valentin. La fête des amoureux. Allez-y, parce que c'est un bon moment à passer. Une fête des amoureux fêtée sous le soleil du Portugal, c'est toujours sympa. Et il y a un chanteur qui vient directement du Portugal. On l'a entendu tout à l'heure, Nuno Albatros, avec sa sangria, qui sera présent. Et un menu Saint-Valentin avec de la sangria. Du côté du Lambada, c'est important. Voilà, c'est pareil, il reste aussi très peu de place, mais il en reste encore, alors n'hésitez pas à y aller rapidement. Les réservations sont jusqu'au 31 janvier et c'est au 05 55 34 47 34. L'adresse, c'est 5 Place Sainte-Félicité à Limoges. Voilà pour ce mois de février qui s'annonce quand même un petit peu chargé. Je le répète du coup, vu qu'on a... On a 2 minutes. Je répète quand même pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure, l'événement aussi, c'est que il y aura un festival de folklore organisé par l'association Ouge Lusitane. Ça sera le 19 avril. Réservez bien cette date. Partez en vacances après ou avant. Mais vu que c'est le début des vacances scolaires, partez après. Mais soyez là le 19 avril du côté de Saint-Priest-Orion, comme d'habitude, à la salle festival à Saint-Priest, avec une journée placée sous le signe du folklore portugais. C'est un peu la fête annuelle de l'association, donc avec plein de choses diverses et variées, et des groupes que vous pourrez découvrir, parce qu'il y a des groupes qui ne sont jamais venus par ici, et avec des représentations du folklore au Portugal différentes selon les régions et selon les costumes, les danses. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà pour les événements en gros à venir. Si vous avez des événements et si vous voulez parler de votre événement, n'hésitez pas toujours à nous laisser des messages sur les réseaux sociaux. On rappelle Facebook Le top du Portugal sur RTF 95.4, le Snap, le TDP RTF 95.4, Instagram, le top du Portugal. Et dites-nous vos événements, appelez-nous quand on est là 10h à midi les dimanches matins et on passera vos événements sans souci. Il faut juste nous le demander gentiment et on le fera. Eric. Avec plaisir. Avec plaisir. On vous laisse ce matin, c'est déjà la fin de l'émission et on se retrouve la semaine prochaine de 10h à midi. Salut Eric! Sur le 95.4 ou le www.rtflimoges.com. Exactement, il faut le rappeler. Le 95.4 pour tous ceux qui sont de Limoges et le www.rtflimoges.com, c'est pour tous ceux qui sont dans le monde. Donc, genre, si vous allez, appelez-nous, écoutez-nous. Même du Portugal, on peut nous écouter. Mais oui, même de plus loin. Ouais, exactement. On vous dit à dimanche prochain. Bon dimanche à tous, bonne semaine. Et à dimanche prochain. Ciao, ciao.